50 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Bonsoir tout le monde. Tu viens de me sortir de ma bulle. J'étais en train de. J'ai écouté The Tangent avec. Pas parce que je l'ai jamais entendu, là, mais je sais pas pourquoi ce soir j'avais comme un bon feeling en écoutant l'intro. Là. In Darkness Dream, ça s'appelle. C'est encore moi, Vincent Delisle, accompagné de Michel Bilodeau. Eh oui, bienvenue. Donc, Terra Incognita se fera dans l'ordre. Et en duo. Et en duo. Ça fait un bout qu'on se connaît, mais je pense que c'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble. Effectivement, oui, c'est vrai. Parce que qu'on se côtoie souvent ici, là, je dirais. Ouais, puis. On arrive après toi. Puis même dans le temps, on se voyait souvent. Oui. Musique du Faubourg, c'est ça. D'ailleurs, j'ai parlé de ça la semaine dernière. OK, ouais. Ouais, c'est parce que j'avais mis 515. Oui, je l'ai entendu, ben oui. C'est là que je l'avais acheté, d'ailleurs. Ben oui, je t'avais. Ça, c'est bon. Oui, je l'ai mis, ça fait pas très longtemps, effectivement. Fait qu'on s'était connu à Musique du Faubourg, donc. Ben, moi, ça me fait drôle parce que ça me ramène un peu au début de Terra Incognita. On était deux à l'époque, au début. C'était Marc et moi. Et puis, on a fait ça quand même pendant plusieurs années en duo. Puis, après ça, bon, on s'est comme réparti un peu la tâche. Puis je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en duo, puis c'est le fun. Non, c'est vrai, c'est plaisant parce que c'est il y a un échange qui est possible. Puis, ouais. Absolument. C'est que ce soir, ben c'est ça, c'est Vincent et Michel. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ah ben là, écoute, j'ai amené quelques nouveautés, mais ce soir, ça me tentait de. Étant donné ce qu'on écoute comme la première pièce, la pièce d'ouverture, c'est Glasshammer. The Inconceivable Secret, mais c'est la nouvelle version. En fait, les deux premiers disques sont les deux premiers disques de l'édition originale. Puis le troisième, mais ils ont repris des pièces des deux. Ils ont quand on dit remix, là, ce que je veux dire par là, c'est ce que eux voulaient dire aussi, c'est pas des versions dance ou. Non, on s'entend. Là, c'est qu'ils ont mis certains instruments plus en valeur, comme la guitare ou les claviers, surtout la guitare. Et puis, mais ils ont changé les chanteurs. OK. Ça, c'est la grosse. Comme ils ont évidemment réinvité leur nouveau chanteur qui est sur leurs trois derniers disques, qui n'était pas là avant. Donc, on peut dire, à quelque part, c'est comme si le groupe d'aujourd'hui, le Glasshammer d'aujourd'hui, se réappropriait du matériel qui remonte quand même à 7-8 ans. Mm-hmm. Puis ce disque-là n'était pas disponible depuis un bon bout de temps. Puis c'est le groupe qui retenait un peu, là, dans le sens qu'il préparait ça. C'est qu'il voulait pas remettre rien sur le marché tant qu'il avait pas fini de ce disque de remix. Eux autres voulaient que ce soit parfait avant de... Oui, mais ça, c'est des perfectionnistes, c'est ouais, aussi. Effectivement. Donc, ça nous donne un peu comme un nouveau Glasshammer, nouvelle formule, avec des vieilles pièces. On va en écouter d'ailleurs un premier extrait, c'est le Long and Long Ago. Vous allez reconnaître la pièce, mais ça fait drôle d'entendre John Davidson chanter au lieu du chanteur original de l'époque. Ça fait plus yes. C'est okay. Carrément, là, ça, on peut pas se tromper. Ben, il y avait déjà des réminiscences, oui. Je connais un petit peu, mais là, c'est encore plus flagrant. Oui, oui, avec John Davidson, là, c'est vraiment. Et puis, c'est ça, ça m'a amené, je me suis remis à ressortir des... Donc, ce soir, il va y avoir pas mal de choses que vous n'avez pas entendues depuis longtemps là, mm-hmm. à Terrain Incognita. Plein de bonnes choses. C'est cool, je te fais confiance. De mon côté, j'ai amené quelques trucs également. Donc, on mixera ça exactement. En toute allégresse. Donc, vous êtes à l'antenne de CKRL à Terra Incognita. Here! Thank you. for all your promises. I bet you've lost your faith in fate, your faith in fate. Stay. To me. Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusion auditive, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de 25$ d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 200$. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici trois façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Et finalement, par PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant. Attention, veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Terra Incognita se poursuit toujours en compagnie de Vincent Delisle. Et moi-même. Michel Bilodeau. On a terminé avec la découverte du dernier festival, dernière convention, Terra Incognita, RPWL. Toi, t'as beaucoup trippé quand ils sont venus. Oui. Puis t'as pas été le seul. Non, effectivement pas. Mais je peux te dire, c'était une belle rencontre en termes, humain. Mm-hmm. De contact humain, c'était vraiment des gars très sympathiques. Ça, c'est la première des choses, là, pour tous ceux qui ont côtoyé pendant cette fin de semaine-là, là, c'était génial. Je n'ai que des bons commentaires, et puis musicalement, mais c'était... Et ça a même valu une rallonge la convention, parce que à l'origine, ça se terminait le dimanche, je crois. C'est ça, exactement. Et puis, le samedi a été sold out, tu l'entends de le dire. Et mm-hmm. puis, j'ai contacté le groupe, puis ils ont été comme partants. J'ai pas eu à leur tordre un bras. Non, ça a été partant, puis même plus que partant. Parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'ils m'offrent de faire deux concerts complètement différents. Ça, c'est... Mettons que tu restes... J'en demandais pas tant, mais là, si vous voulez le faire, on va le prendre. Là, on va le prendre. Et la réponse était au rendez-vous. Oui. C'est ça qui est important. C'est des beaux souvenirs. Franchement, là, je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Là. Non, sûrement pas, non. D'après ce que j'ai entendu parler. C'est sûr que je m'arrangerai bien pour y être la prochaine fois. Le morceau qu'on a fait jouer, c'est « I Don't Know ». Et c'est sur l'album de Gentle Heart of Music, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une compilation. Moi, j'adore l'espèce de guitare, c'est un peu à la sitar, là, ça a une couleur psychédélique. Qui sonne un peu comme I Know What I Like, là, un peu, c'est ça, t'as un peu dans... Mais ça, c'est un extrait d'une compilation. C'est pas... Je me rappelle plus exactement sur quel disque on le retrouve, là, mais de Gentle Heart, ça, c'est... Le concept, c'est qu'ils ont réuni des pièces de tous leurs disques... sauf le dernier, parce qu'évidemment, c'est paru avant. Là. Puis l'autre, ils reprennent leur pièce, mais avec des nouveaux arrangements. OK. Donc... très world music, d'après ce que tu me dis. Ben, il y a beaucoup, oui, il y a des touches pas mal. D'ailleurs, le chanteur aime beaucoup là, tout ce qui est indien. Bon. Ça transparaît dans la musique. Il se fait appeler Yogi, d'ailleurs. Yogi? Oui, mais il faut que tu cherches le lien indien. Là, pas comme certaines personnes pensent, Yogi l'ours. Là, non, ou le joueur de baseball. It's not over until it's over. Exact, mais c'est pas ça. OK. Puis avant, on avait Iz. Oui. Qui, eux aussi, nous ont rendu visite dans le cadre de la convention, mais eux autres, à deux occasions. Et puis, c'est le même genre de personnes mm-hmm, super très sympathiques. Très agréable à travailler avec. Oui. Ça, des souhaits. Je veux dire, tu voudrais que ce soit tout de même. Ça, Is, j'avais entendu ça à l'émission ici, à Terra Incognita. Je trouvais pas l'album, pis c'est bien pour dire, un moment donné, j'étais sur Mont-Royal, à Montréal, puis je rentre dans un magasin de disques, puis là, j'entends ça, j'ai dit, crif, c'est Is, ça, c'est le disque que je cherche à Québec. On l'entend dans ce magasin de disques-là, donc c'est sur Crush of Night, le morceau Words and Miracles. C'est vraiment un Moses de bon album. Oui, puis ça, c'est leur plus récent. Et je ne connais pas ce qu'ils ont fait d'autre, mais d'après ce que tu me parles, l'autre album avant, l'autre est encore album, meilleur. Je dirais pas meilleur, mais c'est du même calibre. Là. Mm-hmm. Et puis, ben moi, remarque, je les écoute depuis le premier, 1998, puis tu vois qu'il y a une belle progression. Mais je réécoute encore le premier avec plaisir. Là. Il y a beaucoup de... ils ont une touche spéciale, je trouve, eux autres. Ils réussissent quand même à aller chercher un peu de pop, puis de le glisser là, de façon là, subtile. Oui. J'adore ces gars-là. Mm-hmm. Donc, Is. Et on avait débuté avec Glass Hammer, The Inconsolable Secret. T'as de la misère à venir, là. Je m'excuse pour mon écriture. Non, il n'y a pas de problème. Secret, en tout cas, toi, tu le sais. Là. Là, tu me fais tout. The Inconsolable Secret. Oui, c'est ça. Et c'est la version remix, entre guillemets. Là. Mm-hmm. Je parlais du chanteur qui n'était pas sur la version originale. Il y a aussi le guitariste qui n'était pas sur la version originale. C'est deux membres actuels du groupe. Et puis, ils ont imposé le traitement à 6 tunes de même. Mm-hmm. Et puis, ça donne comme un disque bonus, dans le fond, là, parce que le disque n'était pas disponible. En le relançant avec une version bonus, mais ça ajoute un petit plus. Puis, eux, ils se font plaisir parce que Steve, entre autres, me disait que il était pas, quand ils ont sorti le disque à l'époque, il était pas totalement... Il était content, mais il avait comme l'impression d'avoir pas été pousser jusqu'au bout ce qu'ils voulaient, ce qu'ils l'ont fait. Là. Ça, c'est toujours gossant, avoir l'impression que tu aurais pu faire mieux, mais là, le disque est sorti. Si, c'est ça. Ben, et comme il m'a dit, c'est pas une question de faire mieux, mais c'est comme emprunter un autre chemin pour voir. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont très bien réussi. C'est que, ça valait la peine d'attendre là, qu'ils retravaillent tout ça et qu'ils reviennent. Et le vocal, on t'en avait parlé avant, mais on en a discuté hors d'onde, effectivement. Ça fait, on sent la patte de John Anderson. Là. Il y a une filiation assez évidente. C'est pas pour rien qu'il chante avec Yes maintenant. Exactement. Oui. il y a comme un lien. Je pense que les gars ont cliqué quand ils ont entendu Davison. Ils ont dit, OK, lui, je pense que ça va être notre moineau pour un bout. Là. Mm-hmm. On ne sait pas jusqu'à combien de temps encore qu'ils vont le garder. Ça, là, les mouvements de personnel au sein de Yes, c'est quelque chose d'assez... Ben, moi, ça m'a toujours sidéré le nombre de musiciens qui ont passé, parti, revenu, puis le groupe s'est splitté en 3-4 entités à un moment donné. C'est là, une saga comme à la dynastie. Encore et même, c'est le soap opera de la musique progressive. Là, c'est toi que je pense que c'est ton choix. Là. On y va avec ton choix. On va en entendre peut-être un petit peu plus tard. Moi, l'album de l'année, pour moi, dans le prog, ça a été le disque solo de Steven Wilson. En ce qui me concerne, parce que évidemment, je ne suis pas une pointure en prog, là, mais c'est ce que j'ai entendu de plus fort. Puis ça m'a donné le goût de réentendre du Porcupine Tree, mais du vieux. Là. Du vieux. On parle de... Ça vient d'une compile qui s'intitule de Delirium Years, 1991-97. Ça, c'est la période, vois-tu, où il était sous contrat avec cette maison de disques-là en Angleterre. Et puis, ben, pour moi, ça demeure. C'est là, à ce moment-là que je les ai découverts, moi. Donc, j'aime ce qu'ils font aujourd'hui. Ben, je veux dire, ce qu'ils faisaient parce que là, le groupe est inactif, là. Mais j'ai comme un petit faible parce que. Vieux. Oui, je comprends ça. On va entendre le morceau Waiting. C'est donc à Terra Incognita, à l'antenne de CKRL.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le vendredi 6 septembre, c'est le dévoilement de la programmation automne-hiver 2013-2014 de CKRL. À 17h, Tania Beaumont reçoit vos animateurs préférés et les petits nouveaux. 18h30, c'est l'équipe de l'émission 100% Dynamite avec la collaboration spéciale de Jean-Sébastien Grondin. 19h20, c'est le tirage du pré-membership d'un panier cadeau d'une valeur de 200$. 19h30, XL3 en spectacle avec Denis Barry, Alain Audet et Régent Julien. Et à 20h30, Michel Dubois anime un spécial Rue d'Auteuil devant public avec la prestation de Peter Shank et le Blues Avalanche et mettant en vedette Sugar Boy. Le lancement de la programmation automne-hiver le 6 septembre à 17h dans nos studios au 405 3e Avenue Limoilou. Venez faire un tour et essayez la CKRL, notre nouvelle bière. Auditeurs de CKRL, voici le moment de poser un geste concret envers votre radio préférée. Devenez membre ou renouvelez votre adhésion pour la saison automne-hiver 2013-2014. Procurez-vous votre carte de membre au coût de $25 d'ici le 6 septembre et courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de $200. Le tirage aura lieu à 19h20 lors de notre journée de lancement le 6 septembre dans les studios de CKRL au 405 sur la 3e avenue à Limoilou. Voici trois façons de renouveler votre carte ou devenir membre de CKRL. Présentez-vous au 405 3e Avenue à Limoilou et remplissez le coupon. Contactez-nous par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Et finalement, par PayPal, disponible sur ckrl.qc.ca. Votre carte de membre est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le maintenant! Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. On vient de l'entendre, le 6 septembre là, aura lieu le lancement de la campagne... de financement. C'est plutôt la saison. Membership. La saison, donc, automne-hiver, puis en même temps, une campagne de financement, c'est en plein ça. On est en plein pré-membership, justement, de vente de cartes pour la saison 2013-2014. Ça dure du 5 août au 6 septembre. Vous courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de $200 le jour, justement, du lancement de la programmation. Comment vous procurer cette carte? Vous posez la question, hein? M'en vais vous répondre, moi. Nous contacter par téléphone au 418-640-2575, poste 201, ou par le biais de PayPal. Ça, c'est disponible au www.ckrl.qc.ca. Ça coûte $25. Puis, si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce, justement... À tout ça, à l'achat de la carte et tutti quanti. Donc, nous espérons que vous vous rurez en grand nombre. Oh, ouais, là, tu t'es lancé. Rurer. Ouais, ça se dit même. C'est un verbe qui se conjugue très mal. C'est ça. Je te trouve courageux, là. Ouais, je fais des twists avec la langue française. Donc, vous êtes à Terra Incognita. On vient d'entendre un bloc qui avait débuté avec Porcupine Tree, le morceau Waiting. C'était suivi de... un extrait de l'excellent album solo de Steven Wilson, on a entendu de Pin Drop. On s'entend-tu que... moi, j'ai lu une entrevue de Steven Wilson, fait peut-être quelques mois. Il a pas l'air très chaud à l'idée de reformer Porcupine Tree. Non, effectivement. Il a ses raisons. Je pense qu'il se sentait peut-être un peu trop là, encarcané là, dans ce groupe-là. Mais moi, je suis sûr que ça va revenir. Probablement. Sauf que quand tu écoutes l'album, tu te dis qu'il... Pourquoi revenir? Ouais, ben c'est ça. Il a l'air de s'en sortir très bien tout seul. Ah, ben ça, écoute, ce gars-là a eu un impact tellement considérable sur tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de musique progressive que je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment là, d'un véhicule. Mm-hmm. Son nom est fait, puis d'ailleurs, il continue à travailler, donc c'est incroyable. Tout ce qu'il fait comme remix là, pour les Jethro Tull, King Crimson, ça arrête pas. Là. C'est devenu presque un historien de la musique progressive. Exact. Là. Il compile des anciens albums. Puis, il remixe. Ben, je veux dire, c'est vraiment là, c'est un nouveau mastering qu'il fait. Ouais. Mm-hmm. C'est, y a l'oreille, là. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que certaines couleurs de l'album de Steven Wilson, là, ça me rappelle le meilleur de King Crimson, période Red. Il y a des bouts, là, c'est carrément, c'est frappant, là. C'est pas un mince compliment, là. On s'entend que c'est un talentueux. Oui. Tout de suite après, ben, on a entendu Clear Light, First Movement, Number One. Sauf erreur, là. Écoute, là, j'ai mon disque dur qui fouille, là, mais il me semble qu'au début, ce groupe-là s'appelait Clear Light Orchestra. Ça se peut. C'est un vieux band. Hein? C'est ça. Ça a commencé, je pense, dans les années 70. Et Cyril Verdeau, c'est un bonhomme qui a, sinon, travaillé avec Gang. Qui a gravité. C'est ça, dans le même entourage. Ouais, ouais, ouais. Entre autres, je pense qu'il a collaboré avec Steve Ledge. Oui, pour le premier disque de. C'est ça, c'est le Clear Light. Maintenant, c'est pas Clear Light Symphony Orchestra, quelque chose du genre. En tout cas, c'est un petit peu comme loin en arrière. Là. J'essaie de retourner comme 40 ans en arrière, mais je dois pas être loin. Non, je penserais pas. Et sur le morceau qu'on a entendu, ben c'est Didier Malherbe qui fait aller le sax. Puis c'est un ancien justement de Gang. Donc, on est vraiment dans la connexion, de Gang Connection, comme dirait l'autre. Parce que je pense maintenant que M. Verdeau, lui, vit en Californie. Ah, ça se peut, oui. Parce qu'il y a, tu retrouves sur ce disque-là des musiciens américains, comme Sean Guérin, qui joue de la batterie et qui chante sur une pièce... On va peut-être entendre d'ici à la fin. Oui, peut-être. Ça te tracasse. Ça me fatigue. On va revenir à Clear Light. Ne vous en faites point. Pour tout de suite, on s'en va avec Terre Azur, un band que moi, je ne connais pas du tout. Un groupe allemand. C'est leur premier disque. Je ne peux pas te donner plus d'infos que ça. Ça n'a pas vraiment bougé, là, dans le sens que ça ne s'est pas répandu non plus dans le milieu. Je pense que, à moins je vais essayer de te faire comme tantôt, là, je vais conjuguer un verbe, à moins qu'il ressoude. Vous ressourderiez. Je pense que ça va prendre un nouveau disque, là, parce que celui-là, on peut le dire, il est passé dans le beurre. Anyway, peut-être un jour à la convention, qui sait? Pas dans l'état actuel des choses. Hein. Il va falloir qu'il y ait un nouveau disque, au moins. Donc, le morceau qu'on va entendre, c'est Falling Asleep. Puis après ça, j'ai ressorti quelque chose là, que ça fait longtemps que j'avais le goût de réécouter, le film Manzanera. Oh yes! Le disque 6, avec David Gilmour. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, comme vous voyez, il y a plein de bonnes choses qui s'en viennent de la dernière heure, ce qui est resté des nôtres. Tout ça à l'antenne de CKRL. Time.

une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée, 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Il paraît que CKRL, c'était une radio-école. J'ai bien dû la doubler une couple de fois, je suis encore là. Allô, ici Denis Barry, vous êtes encore en vie et c'est merveilleux. Bon, la machine ne veut pas encore faire partir les publicités. Ben, je vais vous les faire à la main, tiens. Je vous invite à écouter l'opineur du chef tous les jeudis soirs de 20h à 22h à CKRL, la radio qui aimait et qui aime toujours. Le jeudi soir à 20h. C'est-tu correct? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Dernier droit de Terra Incognita, juste déjà. Avant. Eh oui. L'autoroute, n'est-ce pas? Moses de Bonbloc, qui m'a fait découvrir pas mal, je te dirais, des musiques que je connaissais moins, entre autres Manzarenum, on va y revenir. Ça avait débuté avec Terre Azur, le morceau Falling Asleep. C'est ça, mais cette jeune formation allemande, moi je pense que s'il persiste, il y a de quoi d'intéressant qui s'en vient. Mm-hmm. Parce que ça, c'est vraiment c'est leur premier essai, puis c'était assez mature pour un groupe de jeunes. Donc, évidemment, c'est toujours le problème de la persistance. Mm-hmm. Et parce qu'il y en a qui découvrent les dures réalités de la business musicale. Ouais, exact. C'est pas toujours évident. Un qui l'a vécu en masse, la business musicale, c'est Phil Manzarenna qui a enchaîné tout de suite après. Ça, je t'avoue que quand j'ai découvert ce disque-là, ça m'a comme réconcilié avec le bonhomme. J'ai adoré. Moi, je ne connais pas beaucoup Manzarenna en solo. Ce que je connais de lui, c'est surtout ce qu'il a fait en collaboration, soit avec Roxy Music, où on a parlé un petit peu tantôt, hors d'onde, de l'album 801 avec... avec Brian Eno. Brian Eno, qui d'ailleurs apparaît sur cet album-là de Manzarenna. Mais sur le morceau que tu as mis, c'est David Gilmour, ni plus ni moins, qui joue oui, la guitare. Eh oui. Il faut rappeler que Manzarenna a collaboré beaucoup avec Gilmour sur les derniers Pink Floyd. Mm-hmm. Ben, beaucoup. Il a collaboré, mettons. il a signé quelques pièces en collaboration avec lui. Donc, c'est un peu moins surprenant quand tu te rappelles de ça. Tu te dis, ah, c'est vrai, ils ont travaillé ensemble, ces deux-là. Et si tu m'expliquais que Manzarenna, en solo, il est capable du meilleur comme du pire. Du pire, c'est ça. On ne peut pas vraiment prévoir. Et puis moi, je me suis fait un peu comme je te disais, en firewapé. J'ai acheté celui-ci, le 6PM. Et puis, j'en ai vu un qui était pochette un peu similaire. Je me suis dit, tiens, ben merveilleux. Mm-hmm. Et puis, c'est pas si merveilleux que ça, finalement. donc, c'est ça. On ne peut pas présumer. Il faut vraiment... Peut-être jeter une oreille avant, mais... Pas le choix. Autre invité, d'ailleurs, sur l'album, vite de même, de Manzarenna, Chrissy Hynde, au backing vocals. Ça, c'est étrange, hein? Oui, effectivement, mais ça me surprend pas, parce qu'elle a collaboré avec plein de monde, de toute façon, dans sa carrière. Et Brian Eno, bien entendu, est dessus. Bill Thompson, au drum, ça me dit quelque chose. C'est un nom qui me dit de quoi? Il a joué avec d'autres bands aussi, fait que... Ouais, c'est pas de Thompson qui était dans Roxy, ça? Ouais, ben ça se peut, oui. Ouais, justement, oui. C'est sûr qu'il faudrait avoir comme un iPad pas loin de nous, puis comme ouais. Tout pitonné. Oui, ça pourrait... On aurait l'air comme plus renseigné. Oui, mais ça serait plate en ordre. Ouais, excusez, je vais aller checker. tout de suite après Manzarenna, c'était le groupe Aquaplanage, que je ne connaissais pas du tout. Cuts, ça, c'est britannique. The Saints of Time. C'est un groupe britannique, premier essai. Je pense qu'on prononce comme ça, là, Aquaplanage. Mm-hmm. J'ai pas rien entendu parler du groupe depuis. C'est un bel essai. La pièce qu'on écoutait, c'était vraiment teinté là, musique d'Afrique du Nord, je pense qu'on peut dire. J'aimais beaucoup les arrangements de cordes. En tout cas, ça donnait une touche un peu. Ben, tu parlais d'Afrique du Nord. Ouais. Les arrangements de cordes, ça avait une touche très orientale. Puis on retrouve aussi un peu dans les autres pièces, un petit peu, je te dirais, de Jethro Tull comme inspiration. Mm-hmm. C'était intéressant. Franchement, là, ça n'a pas été beaucoup distribué, ce disque-là, mais c'est... belle petite découverte. Et on a conclu avec Herd of Instinct, le morceau Another Night. Ça, c'est tout récent. Là. Ça nous vient du Texas. Mm-hmm. Deuxième disque, Conjure. Et puis, le premier, il avait été cherché comme pas mal de musiciens plus, comment je pourrais dire, connus. Sur celui-ci, Conjure, je pense qu'il y a le bassiste de Porcupine Tree, d'ailleurs. Ah oui? Ah bon, OK. Fait que eux autres, en l'absence de leur leader, ils se recyclent ils participent à des projets. Mais c'est correct, ça aussi. Donc, Herd of Instinct, c'était excellent. Toi, t'as entendu le dernier Marilyn? Entendu. Écoutez. Écoutez. Ouais. C'est parce qu'il y a une nuance. Moi, je dis j'ai entendu un disque, c'est parce que je l'ai écouté comme deux, trois fois. Ça, je dis, non, je l'ai entendu. Entendre la musique, c'est comme quand tu vas chez le dentiste et tu entends quelque chose. Ouais. Je me doute que mon verbe est mal choisi. La misère avec... Et que je te manque pas ce soir. Non. Hein? Mais je l'ai écouté, oui. Ouais. Ouais. Puis comment tu le trouves? Parce que je l'ai amené... Mais moi, comment je pourrais te dire? Je suis mal placé parce que j'adore tout ce qu'ils font. OK. Je pourrais pas comme être neutre, là. J'aime beaucoup. Parce que je trouve que depuis plusieurs années, là, je trouve que c'est un groupe qui essaie, tu sais, qui explore, qui dort pas, en fait, là, sur ce qu'ils ont déjà réalisé dans le passé. Ils se mettent en danger, entre guillemets. Là, mais tu sais, je veux dire, tu vois qu'ils recherchent puis qu'ils essaient d'aller chercher d'autres choses comme formule musicale, et puis moi, ça me plaît beaucoup. Justement, au lieu de s'en tenir à une formule comme ils nous ont déjà eu, veux pas, à l'époque, le départ de Fish, le chanteur Fish, ça les avait obligés à se recentrer d'une autre manière. Alors, moi, je te dirais que depuis Marbles, là, ouais. Je trouve qu'il y a une belle trajectoire. Ils sont sur une belle... C'est drôle, parce que quand des groupes existent depuis longtemps... Tu vois, il y a comme des vagues, mais là, ils sont vraiment dans le haut d'une vague. Là. Mm-hmm. C'est vraiment une belle période pour eux, là, Marilyn. L'album s'appelle Sounds That Can Be Made, et on va entendre Power à Terra Incognita à l'antenne de CKRL. Some kind of incompleteness.

tears stream down my swollen face. I must go within and deeply pray that all of this will end someday. Clear Light Again. Quelle voix. Incroyable. Comment Sean il s'appelle? Sean Guérin. Sean Guérin. Et, c'est, en fait, c'est le fils de, d'un musicien californien qui a joué avec beaucoup de personnes. Évidemment, c'est, je pense que c'est Tom Guérin. Je ne sais pas si okay. ça dit quelque chose. Non, pas vraiment. Et je pense qu'il a joué avec Neil Young. Il a joué avec beaucoup de monde là, dans Californie. Et Sean Guérin, en fait, malheureusement décédé. Mais il a eu le temps de faire une belle apparition sur un groupe qui s'appelle K2, mm-hmm. The Book of the Dead. Et puis, deux, en fait, trois, il y a un album posthume, mais il y a deux disques solo aussi à son nom. Tout un chanteur. Sur ce morceau-là qu'on a pu entendre, la voix a des similitudes troublantes avec celle de Gabriel. Oui, hein, oui. Ben, c'est un peu sa signature. Mm-hmm. Je te dirais que moi, c'est ce qui m'a embarqué en premier. Mais je trouve qu'il y a tellement d'émotion dans sa voix. Là. Ce gars-là, il est allé me chercher vraiment, là, mais vite. Mm-hmm. Puis je pense que ça m'a redonné le goût. Je pense que je vais fouiller dans mes piles de disques pour retrouver mon quai et tout. L'album Clear Light qu'on a entendu, c'est Infinite Symphony. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je me suis procuré ça il y a quelques semaines chez CD Mélomanes, dans l'usager, mais c'est toute une découverte, franchement. Là, nous autres, ça a été un classique, nous autres. Oui, ici, ben, c'est ce que tu me contais. Oui. Il y a peut-être, je te dirais, 3 ans, ça a joué plus d'une fois. Oui. Plus d'une fois. Et franchement, juste avant, c'était Marillion, le morceau Power. Effectivement, l'album est excellent. Le peu que j'en ai entendu, en tout cas, c'est... Comme tu disais, ils se réinventent et puis ils restent pas assis sur leur laurier. Non, ils explorent. C'est ce que j'aime. Et puis, ben, coudonc, je pense que c'est déjà quasiment le temps de dire rester des nôtres. Oui, presque terminé, mais pas vraiment pour. Ben, tu restes-tu un petit peu pour l'autoroute? Ben oui. Ben oui, absolument. Ben oui, tant qu'à être là, écoute, on va continuer. Bon, ben, c'est le fun. Je me sens moins seul, finalement. Donc, ben, écoutez, ben. Ça m'a fait plaisir. Ça a été un intérêt spécial ce soir en duo. C'est le fun. Absolument. J'ai beaucoup aimé animer avec toi. Et puis, ben. T'as moins aimé mon écriture, ça, mais. Ouais, ben, moi, c'est mes verbes et mes temps de verbes que t'as pas apprécié. Moi-même, je les ai encore à travers de la gorge.